sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Salut, c'est Mathieu Plante en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Oui, Mathieu Plante, oh non, on est quoi? Pendant qu'on a une petite demi-heure ensemble, écoutons les nouveautés des palmarès C'est fou pour la semaine du 25 mai au 7 juin. Commençons que du côté francophone Galaxy, voici ça, Domine. Au 89 FM, c'est fou! What does it mean? La formation Super Hero et la pièce Faith No More sur l'album Sol Invictus, nouvelle entrée en 20e place anglophone, avant ça on a entendu Galaxy et Chant de Mine, un nouvel extrait de l'album Zulu. Donc les deux 20e place dans les palmarès C'est fou pour la semaine du 25 mai au 7 juin. Dans quelques instants, on écoutera les 19e. On va essayer d'écouter le plus de nouveautés possible dans cette petite demi-heure qu'on a entre les deux matchs des Aigles. Donc de retour après la pause, on vous rappelle que vous écoutez les Aigles, C'est fou, 89 FM. Un verre de vin en main, de la bonne musique, un soir d'été au bord du fleuve, dès 17h45, du 26 juin au 5 juillet, c'est enfin l'été. Laissez-vous séduire par la plus belle terrasse en ville, celle du Festivois de Trois-Rivières. Pour seulement 39$, découvrez de grands noms jazz. Le blues de la Suisse de Hell's Kitchen, la grande reine du soul, Rainey Lee, le trompettiste de notoriété, Jacques-Cuba Séguin et son invité, Stanley Péan. La jeune prodige de Miami, Ariel Pocock. Le funk dansant de Mackenzie Rhythm Section. Les guitares manouches de Christine Tassin et le pianiste exceptionnel Michael Cashmer. Passeport en pré-vente jusqu'au 14 juin chez Métro, Jean Coutu, Rona et au festivois.com. Une collaboration de l'Auto-Québec, Bell, Tourisme Québec et la SAQ. Une présentation d'Hydro-Québec. Situé à même le musée Borealis, le bistrot au Confluent est un endroit magique aux abords du Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Au sein d'un décor moderne, cette terrasse toujours animée vous offre une vue et une ambiance uniques. Les meilleurs produits de la région sélectionnés pour vous créer un menu divin aux couleurs d'ici. Pour plus d'informations sur l'horaire et le menu, borealis3r.ca ou le 819-372-4633. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Toujours avec Mathieu Plante en direct entre les deux matchs de baseball ce soir entre les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec. Ça a lieu parce que en fait c'est un programme double. Il y a eu de la pluie mardi, ça a été déplacé à ce soir. Donc on couvre les deux matchs, il y a une petite pause entre les deux. Et je me suis dit tant qu'à avoir un trou de 30 minutes entre les deux, aussi bien présenter un peu de palmarès, c'est fou. Hein? C'est quand même une idée saugrenue, mais potentiellement intéressante. Tantôt on a entendu les 20e places, on est rendu au 19e. En anglophone, ce sera Faith Healer et Again sur l'album Cosmic Troubles. Mais commençons en francophone avec Marie-Pierre Arthur. Voici Papillon de nuit au 89 FM. C'est fou. Plus jeune que toi. l'entrée. C'était Faith Healer et Again, en position numéro 19 anglophone, sur l'album Cosmic Troubles. Avant ça, Marie-Pierre Arthur et Papillon de Nuit sur son album Si l'Aurore. On est toujours entre les deux matchs des Aigles de Trois-Rivières en direct de Québec. Moi, je suis en direct des studios de C'est Fou et on écoute des nouveautés du palmarès. En passant, pour ceux qui se demandent où sont les palmarès C'est Fou cet été, ne vous en faites pas, ça va revenir éventuellement, probablement plus tard cet été, mais on vous annoncera ça en temps et lieu sur Facebook. Donc, suivez la page Facebook des palmarès C'est Fou d'Assemblage Requis et du Mathieu Plante Show, tant qu'à faire, tant qu'à visiter Facebook. Donc maintenant, les 18e places en anglophone, c'est Zurbin qu'on va entendre avec C'est la vie sur l'album Darling, mais tout de suite en 18e franco, c'est la dernière de ce côté-là. Voici Papa Folle et Il pleut, ce qui nous rappelle pourquoi on est là en ce moment, parce qu'on écoute deux matchs de suite, parce qu'on n'avait pas eu mardi à cause de la pluie. Hein, il pleut, c'est ce qu'on a dit. Ben ouais. Vous êtes au 89 FM, c'est fou. nouvelle entrée. C'est à la vie pour son numéro 18 anglophone sur l'album Darling. Avant ça, c'était Propofol et la dernière nouvelle entrée francophone, Il pleut, sur l'album Le Banquet. C'est pas mal assez fou en version écourtée, très minuscule. En fait, c'est une édition spéciale pour la semaine du 25 mai au 7 juin, pendant qu'on attend le retour des Aigles de Trois-Rivières qui sont en direct de Québec. Donc, je pense que si vous me permettez, je sais que vous êtes des gens très conciliants. Je pense qu'on va retourner tout de suite à Québec pour aller rejoindre notre ami Simon Laliberté pour l'avant-match de ce deuxième combat avec les capitales de Québec. Donc, si ça vous dérange pas, on y retourne dans 7 secondes à peu près. Regardez bien ça. Belle fin. En direct du stade municipal de Québec, vous écoutez les Aigles de Trois-Rivières avec Simon Laliberté à la description du match. L'équipe de Cifou vous souhaite un bon match sur les ondes du 89.1 FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce reportage qui vous parvient en direct du stade municipal de Québec. Ce soir, C'est fou 89.1 vous présente le deuxième match du programme double entre les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec.